La semaine dernière, SpaceX lançait en orbite terrestre basse une nouvelle fournée de sa constellation Starlink, portant environ 240 le nombre de satellites déjà opérationnels, sur un total qui devrait, selon toute vraisemblance, atteindre les 12 000. Or, avec ces quelques centaines de modules, la colère des amoureux du ciel nocturne et des astronomes est déjà grande. De nombreuses photos circulent sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce train de petits points lumineux qui défigure notre vision de l'espace, avec de sérieux inquiétudes sur l'avenir lorsque non seulement les 12 000 satellites seront déployés, mais tous ceux que prépare la concurrence. Starlink, tout ce qui brille là-haut, c'est le programme encombré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire, la finalité, les enjeux techniques du déploiement, non pas d'une seule constellation, hein, comme je le disais, mais de nombreuses constellations de satellites par diverses entreprises et pas uniquement par SpaceX, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Mottez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CNRS, au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire Paris-Meudon et également rédacteur en chef du magazine L'Astronomie. Et Xavier Pascaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du Nouvel Âge Spatial, c'est aux éditions CNRS. Mais avant d'être ébloui par les satellites de Starlink et tous les autres, laissons-nous donc éblouir par Natacha Triou. Pas terrible. Pour le Journal des Sciences, bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec deux rapports parus ce matin de l'OMS et du CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer. Le cancer progresse partout dans le monde, Natacha. Le cancer a causé la mort de 9,6 millions de personnes en 2018 et plus de 18 millions de nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde cette même année. Les plus fréquents sont les cancers du poumon et du sein. La maladie reste la première cause de mortalité prématurée, c'est-à-dire entre 30 et 69 ans. Et une personne sur cinq risque d'être atteinte avant l'âge de 75 ans. Alors selon ces deux rapports, le nombre de nouveaux diagnostics pourrait augmenter de 60% d'ici 2040. Pour les pays en voie de développement, ce chiffre monte à 81%. Une augmentation qui est deux fois plus rapide que la croissance de la population mondiale. L'OMS pointe les causes de risque, mais aussi les insuffisances dans la prévention entre pays riches et pays pauvres. Anne-Vincent Salomon est médecin pathologiste à l'Institut Curie à Paris et Grand Prix de la Recherche du Ruban Rose. Je crois qu'en fait, on s'attendait un peu tous à l'augmentation dramatique de la fréquence des cancers, en particulier des pays à un niveau de vie moins élevé. La transformation des comportements alimentaires me semble être la première cause responsable et le vieillissement de la population. Et je crois qu'il ne faut pas s'étonner, effectivement, de l'augmentation des cancers pouvant être aussi liée à la pollution. Ensuite, ce qui est terrifiant, c'est les cancers induits par des virus ou qui accompagnent le sida. Je pense que là, on voit très clairement qu'il y a des actions de santé publique qui peuvent être entreprises. Effectivement, il y a des différences qui sont certainement en lien avec le niveau de vie et l'accès aux soins et des stades de cancer pris certainement moins tôt que dans les pays occidentaux. Ça, c'est certain. Ce qui va poser également problème, ça va être la classification exacte des cancers et leur prise en charge la plus ajustée possible. C'est ce qui est tout l'enjeu de la médecine de précision dans les pays plus souvent occidentaux, mais dans les pays émergents, en Afrique, et où les virus restent encore au premier plan, on va être dans des situations où il va être difficile. Si je prends l'exemple des cancers du sein, ça va être très compliqué d'aller les classer par grand type et grande sensibilité à des thérapeutiques. Donc il y a un vrai sujet, non seulement de prévention, mais également de diagnostic ajusté. Et on passe au bref. Une étude parue dans Nature Astronomy explique enfin l'origine de la calotte glaciaire du pôle sud de Mars. Cette immense structure de glace, profonde d'un kilomètre, avec des couches de glace d'eau et des couches de glace de CO2, en strates alternées, était un grand mystère. Cette stratification ne devait pas être possible et on ne comprenait pas ses interactions avec l'atmosphère martienne. Les modules de simulation des chercheurs de la NASA viennent d'éclairer ce phénomène. La planète vacille sur son axe pendant son orbite autour du Soleil. Ses pôles sont donc exposés a plus ou moins de lumière, la glace d'eau et la glace de CO2 la reflètent différemment et par conséquent, la pression atmosphérique augmente quand la glace de CO2 se sublime. Il s'agit là d'un processus vieux de 510 000 ans. On reste sur Mars. Une étude parue dans la revue Nature Astronomy révèle une découverte, la détection de couches sporadiques E. Les couches sporadiques E, ce sont ces couches particulièrement ionisées que l'on trouve aussi dans notre haute atmosphère terrestre. Elles apparaissent et disparaissent et peuvent brouiller les communications radio et les signaux radars, quand votre poste radio se met à grésiller par exemple. Ce phénomène est mal étudié, trop imprévisible, trop furtif, trop bas pour les orbites des satellites et trop haut pour les avions. Et le vaisseau Maven qui orbite autour de Mars vient d'en détecter dans l'atmosphère martienne. Elles y sont plus permanentes et plus accessibles. Selon la NASA, leur étude nous permettra de mieux comprendre celle de notre propre planète. Et pour conclure, et c'est en lien avec notre sujet du jour, une prépublication sur le site Archive, il serait possible de mener une action en justice contre Starlink pour l'empêcher de parasiter les observations astronomiques. Et avec ses satellites actifs, la constellation Starlink crée des stries lumineuses dans les images de télescopes. Un groupe d'astronomes appelle à une action en justice pour stopper le lancement des 1500 satellites supplémentaires. Ils interpellent la communauté spatiale internationale. Qu'est-ce qui compte le plus ? L'astronomie au sol et les vues traditionnelles du ciel nocturne ou un internet moins cher depuis l'espace ? Alors selon ce papier, l'affaire pourrait être portée devant la Cour internationale de justice pour faire valoir que le ciel nocturne est un droit humain partagé en vertu de la Convention du patrimoine mondial. Merci beaucoup Natacha, on reviendra évidemment sur cette prépublication, en tout cas cette possibilité de recours collectif contre Starlink tout au cours de cette émission. On va revenir évidemment sur ce qu'est cette constellation Starlink, puisque cette année SpaceX compte effectuer 2 à 3 lancements par mois pour compléter sa constellation, qui a pour ambition un Starlink d'apporter, comme le disait Natacha à l'instant, de l'internet à haut débit à l'ensemble de la population de la planète. Le dernier lancement a eu lieu mercredi dernier, il y a une semaine tout juste, portant à 240 le nombre de mini-satellites placés en orbite basse entre 300 et 500 km d'altitude. Et comme on en a souvent parlé ici, vous l'avez entendu, les critiques sont déjà très vives de la part de la communauté astrophysique, autant que des astronomes amateurs qui accusent SpaceX de ruiner littéralement les possibilités d'observation de l'espace depuis la Terre. Ces critiques, figurez-vous qu'elles ne datent pas exactement d'aujourd'hui. Écoutez notre archive du jour, nous sommes en 1978 et la question de la pollution orbitale est déjà centrale. L'espace est vaste et vous le rappeliez simplement, quand il y aura, je ne sais pas, 50 000 satellites, est-ce que ce sera facile de les commander, de les téléguider, de recevoir leurs données, de les contrôler, de les maîtriser ? Les satellites modernes ont souvent des dispositifs dits de maintien d'orbite, c'est-à-dire qu'on les maintient sur une orbite déterminée de façon active, c'est-à-dire on empêche la dégradation aléatoire des orbites. Mais je crois que le problème ne se pose pas en ces termes. On a lancé énormément de satellites, et souvent des tout petits, au début de l'ère spatiale, et maintenant on en lance de moins en moins en réalité, parce qu'ils durent plus longtemps. Par conséquent, j'ai l'impression que l'encombrement actuel assez vaste, assez considérable, ne va pas augmenter très sensiblement. Mais il y a les débris, il y en a parlé de poubelles de l'espace. Alors effectivement, il y a des satellites qui durent très longtemps, dont les orbites ne rentreront dans l'atmosphère que dans peut-être 300 ou 400 ans ou 1000 ans. Alors effectivement, ça va s'accumuler pendant un bon moment. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que les savants, les scientifiques qui dans la recherche vont le plus loin qu'ils peuvent aller, et c'est très important la recherche, est-ce qu'ils ont le souci humain, est-ce qu'ils pensent tous ces satellites, ça peut tout de même inquiéter et qu'il peut se créer, comme pour les centrales atomiques, une sorte de psychose de l'espace? Oh, nous espérons en être extrêmement loin. Non, je ne pense pas, si vous voulez. En tout cas, les engins qui sont conçus par les savants et pour la recherche scientifique, ils sont très importants, ne sont pas de nature à inquiéter qui que ce soit. Je crois qu'on peut être absolument certain que cela, en tout cas, ne présente aucun danger. Voilà, aucun danger que le ciel ne nous tombe sur la tête, pour reprendre une autre inquiétude ancestrale de notre peuple. Mais en tout cas, vous voyez, c'est intéressant. En 1978, Xavier Pascal, on parle déjà de qu'est-ce qui se passera quand il y aura 50 000 satellites. Pour donner un moyen d'évaluation à nos auditeurs, aujourd'hui, il n'y a même pas 2200 satellites en activité sur les différentes orbites. Donc évidemment, quand SpaceX arrive en disant qu'il va en mettre 12 000 et peut-être même plus, c'est une augmentation considérable. Oui, je dois dire que c'est impressionnant d'entendre en 78 quelqu'un évoquer des ordres de grandeur qui sont ceux qu'on évoque aujourd'hui. Alors qu'on ne savait pas à l'époque, effectivement, qu'on arriverait à miniaturiser et à rendre ça possible. Effectivement, je pense qu'il faut faire prendre conscience aux auditeurs qu'on change quand même vraiment d'air, semble-t-il. C'est quelque chose qui est annoncé depuis quelques années, mais on en prend conscience. Vous avez évoqué tout à l'heure les lancements tous les 15 jours, quasiment, de 60 satellites. Ça, il y a même 10 ans, c'était inconcevable. Enfin, lancer 60 satellites d'un coup, 60 satellites opérationnels, qui ne soient pas des satellites d'étudiants, on va dire, des petits CubeSats. Voilà. Et même des CubeSats, enfin, c'était quelque chose d'inconcevable. Et là, on change vraiment d'ordre de grandeur, en réalité. Et cette pollution dont on parle, on habite l'espace différemment, littéralement. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait que commencer. Fabrice Mottez, par rapport à l'archive qu'on vient d'entendre. Je suis également très impressionné par ce chiffre de 50 000. Et c'est vrai qu'en 1978, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Dans les années 90, il y avait 500 satellites actifs. On est passé à 1000 au début des années 2000. Maintenant, en 2002, c'est une croissance exponentielle, mais enfin, on est dans le raisonnable, dans le gérable, on va dire. Donc effectivement, il y a des pollutions. Alors moi, je peux parler en tant qu'astronome et amoureux du ciel aussi. Il y a une pollution qui existe, qui amène d'ailleurs ses fans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui traquent les satellites. C'est un loisir, en fait, aussi de trouver tel satellite qui avait été oublié, etc. C'est assez amusant. Et c'est gérable parce qu'il n'y en a pas trop. Et ce qui se prépare avec cette nouvelle ère, dont parle Xavier Pascaud, c'est qu'on va aller vers le trop. Les formes de pollution ne seront pas forcément différentes de ce qu'il y avait avant. C'est une question de quantité. Justement, la quantité, on entendait dans cette archive une prophétisation disant « mais les satellites vont durer de plus en plus longtemps, donc finalement ça va se réguler ». Là, effectivement, on n'est plus du tout dans cette problématique-là, on est dans une problématique d'invasion, littéralement, Xavier Pascaud. Oui, parce qu'on était... Il faut se rappeler que le spatial, c'était d'abord réservé à quelques pays, et c'était surtout des recherches de pointe qui menaient à des objets assez uniques, donc très chers d'ailleurs en général, et qui étaient là pour durer un maximum de temps. En fait, l'ennemi de l'industrie spatiale, c'est la panne. Et donc, on faisait tout pour éviter la panne. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de changer tranquillement de perspective. Alors, non pas que les industriels de l'espace veulent aller vers des objets qui sont en panne, mais on s'autorise... par la quantité, par la miniaturisation, par la baisse de coûts, la baisse des prix, on s'autorise finalement des choses qui vont être beaucoup plus standardisées et on entre dans une ère un petit peu plus industrielle finalement de la production de biens spatiaux. Et à partir de là, toute la perspective bascule et change. On ne parle plus d'objets uniques, donc en faible nombre, on parle d'objets en large nombre et qui seront remplaçables. Et donc, on va les mettre sur une orbite basse, on va éventuellement les désorbiter très vite, les remplacer par d'autres, on va même en stocker peut-être en orbite pour les remplacer encore plus vite. Donc tout ça, ça va induire des activités qu'on n'a pas connues. En fait, ici. Parce que là, on pense évidemment aux quelques photos que nos auditeurs ont peut-être vues, on va en poster évidemment sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc, parce que c'est vrai que ces photos du train, on appelle ça un train parce que c'est littéralement une ligne de points lumineux dans le ciel, mais il n'y a pas du tout que le problème de la pollution lumineuse. Fabrice Mottez, avec ses constellations. Alors déjà, les photos qui sont publiées sont emblématiques de ce qui pourrait nous attendre dans peu de temps, dans quelques mois peut-être. Mais pour le moment, c'est un coup de malchance de voir ça. Pourquoi ça ? Parce que pour le moment, il y a 240 satellites de cette flotte de satellites. Mais il est prévu que dans quelques années, il y en ait 12 000. Donc voilà, il va y avoir une multiplication. Ça veut dire que ce qui est vu actuellement et ce qui est tweeté, etc., ce sera la vie de tous les jours pour les astronomes et aussi pour les contemplateurs du ciel. Ça veut dire que c'est pas seulement un ennui pour nous, astronomes professionnels, ni même seulement pour les astronomes amateurs, mais en fait, ces satellites, on les verra à l'œil nu. Pour le moment, ils ont la luminosité des étoiles brillantes du ciel. Et parce qu'ils sont pas très hauts, parce qu'ils ont beau être petits, ils ont un grand panneau solaire, il faut bien qu'ils aient de l'énergie. Et voilà, ils sont plus brillants que les 200 étoiles les plus brillantes de toute la voûte céleste. Donc quand il y en aura 12 000... Mais ça, on va voir que ça va changer normalement la magnitude et la réverbération de la lumière. Et puis on va voir que Starlink a effectivement déjà entendu un certain nombre de critiques. Bref, à quoi va ressembler le ciel nocturne de demain ? C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de Starlink, de cette constellation produite par SpaceX. Nous en parlons avec Fabrice Mottez et Xavier Pascaux. Peut-être pour commencer, Fabrice Mottez, c'est quoi exactement ce projet Starlink? Ça date de quand? Quel est l'objectif exactement de SpaceX avec cette constellation à déployer? Alors pour tout vous dire, je ne sais pas de quand ça date. Novembre 2016, les premières indications. Oui. Ou Xavier Pascaux, si vous voulez. Oui, non, effectivement, j'allais dire 2016, c'est la première fois qu'on entend parler, effectivement, de ce projet qui sort un peu de chez SpaceX. Avec, SpaceX, c'était d'abord des lanceurs, et là, on comprend que ce sont des satellites aussi, et beaucoup. Mmh. Et alors, à quoi ça va servir? Pourquoi est-ce que, quel est le besoin d'envoyer autant de satellites? 12 000, c'est gigantesque. À quoi ça va servir, alors, Starlink? Là, pour le coup, SpaceX n'est pas novateur dans l'idée d'utiliser l'orbite basse pour faire des télécommunications. Jusqu'à présent, les télécommunications se font encore par des satellites dits en orbite géostationnaire, donc l'orbite la plus élevée, qui laisse le satellite de manière fixe au-dessus d'un même point de la Terre, qui permet comme ça de s'en servir comme une espèce d'antenne relais, finalement. Géostationnaire, c'est très loin, c'est 36 000 km, voilà, et donc c'est synchronisé avec la rotation terrestre, qui permet d'avoir une sorte de relais, comme une antenne relais, de manière fixe. Et on a toujours essayé de... Le problème du géostationnaire, c'est que... Alors ça fonctionne très bien, ça fait de la télédiffusion, notamment, hein, la télévision passe par ces satellites de manière très, très fiable. En revanche, pour faire du point à point, c'est-à-dire pour envoyer une information et la relayer à un autre point sur la Terre, ça me prend un petit peu de temps, ça prend quelques centaines de millisecondes. Et depuis longtemps, un certain nombre de spécialistes souhaitent réduire un peu la distance et se disent, bah, finalement, si on arrive à mettre en orbite basse, c'est-à-dire en gros entre 500 et 1200 km, un ensemble de satellites, eh bien, on va avoir un rebond beaucoup plus rapide, en quelque sorte. Mais, alors, il y a eu des tentatives dans les années 90 de faire ça, notamment Bill Gates, par exemple, hein, le patron de Microsoft, a tenté de mettre une constellation qui s'appelait Teledesic, 640 satellites. On parlait de Skybridge et Alcatel. Il y avait des projets. Et ça a été complètement, j'allais dire, rétamé par la concurrence terrestre, en fait. C'était au moment où les GSM se diffusaient, les téléphones, les réseaux terrestres, et c'était beaucoup trop, je dirais à la fois, beaucoup trop cher, et puis la technologie n'était pas encore là. 20 ans plus tard, c'était différent. C'est-à-dire que la technologie a bien évolué. On arrive à faire des antennes, par exemple, un peu mobiles qui vont suivre les signaux, etc. On arrive à faire des satellites. Alors là, pour le coup, beaucoup moins cher, plus performant. Et puis, surtout, eh bien, il y a une industrie de l'information qui existe, qui n'existait pas tant que ça dans les années 90, et qui voit son intérêt à utiliser ce genre de moyens. Alors, pour faire quoi? Pour faire des télécommunications ultra rapides, éventuellement pour faire du jeu en ligne, nous dit Elon Musk, par exemple, pour faire ce qu'on va appeler l'Internet des objets demain, comment connecter le plus. Donc il y a cette idée de faire une couche d'infrastructure nouvelle pour une société nouvelle de l'information. Donc ça, c'est un peu un pari sur l'avenir. Le business model, on ne sait pas trop s'il est là. Le business model, on va voir que même technologiquement, pour le moment, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Fabrice Mottez. Est-ce que je peux ajouter une précision? Je vous en prie. J'ai beaucoup entendu de personnes qui m'ont contacté et qui confondent ce projet avec la 5G. Ce sont deux projets qui n'ont pas de rapport. La 5G, c'est distribuer l'information par des antennes disposées en réseau sur Terre et qui vont communiquer avec des téléphones qui ont des petites antennes qu'on peut cacher n'importe où. Le projet de Starlink, ça sera de communiquer entre des clients aussi, mais qui auront une antenne beaucoup plus sophistiquée, plus grande, enfin une trentaine de centimètres. Une sorte de boîtier, voilà. Une sorte de boîtier, une sorte de box en fait, mais qui communiquera avec les satellites. C'est pas du tout le même système, ça n'utilisera pas les mêmes fréquences radio. La 5G sera disponible seulement là où il y aura des réseaux, alors que l'originalité du projet Starlink, c'est que ça fonctionnerait partout, même dans les déserts, près des calottes polaires, au-dessus des océans. C'est ce que dit Elon Musk d'ailleurs, hein, il accompagne ce déploiement d'un propos qui se veut philanthropique en disant c'est ce qui va aider à apporter de l'Internet aux 3 milliards d'êtres humains qui n'ont pas encore accès à l'Internet parce que l'Internet terrestre n'a pas été développé, et puis ça permettra notamment de faire des progrès immédiats en matière de santé, en matière de pouvoir d'opération à distance. Enfin, il y a tout de même toute une dimension un peu philanthropique. Alors, qui est avancée par Elon Musk. Tout à fait. Alors en même temps, bon, c'est tout à fait louable et on le comprend, et c'est pas le premier d'ailleurs à avoir eu ce type de discours. Et en même temps, très vite, quand on étudie un petit peu les marchés finalement susceptibles d'utiliser ces moyens, dans les pays où il y a peu de monde, ça fait peu de rentabilité finalement. Les navires sur l'océan, effectivement, c'est très bien de pouvoir les connecter, mais ça reste des choses qui sont très, très limitées. Donc ça, c'est quand même un souci. Et je reviens sur ce qui a été dit sur les liens entre spatial et réseau terrestre. Alors effectivement, ça s'affranchit, je suis tout à fait d'accord, ça s'affranchit de la 5G. En même temps, on a vu tout un tas de projets qui ont essayé justement de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on a essayé de connecter le spatial et les réseaux terrestres. Alors ça, Orbcomm, par exemple, a essayé de faire ça avec ce qu'on appelait des gateways, c'est-à-dire des entrées qui permettaient aux satellites de compléter le réseau terrestre. l'espace plutôt que de s'affronter à lui. Et on voit que la philosophie Starlink, c'est pour l'instant plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est un, je dirais un projet effectivement qui est autonome par rapport au réseau terrestre. On peut imaginer qu'à terme, parce que l'industrie de la formation a toujours favorisé la fusion des réseaux, on peut imaginer qu'à terme, ça vienne compléter, amplifier, augmenter. Et ça, ce serait peut-être un axe pour gagner, je dirais, un peu plus d'argent, même si Elon Musk parle de 30 milliards ou de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi faut-il autant de satellites? Pourquoi est-ce que 12 000, alors qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a d'autres projets similaires, si ce n'est concurrents, qui parle de moitié moins de satellites, voire d'un tiers ou d'un dixième de ce nombre de satellites avec une ambition similaire, Xavier Pascaux. Oui, alors bien là, en l'occurrence, on retrouve la vision d'Elon Musk. La vision d'Elon Musk, par exemple, il faut se rappeler qu'Elon Musk, c'est pas seulement SpaceX, c'est Tesla, c'est d'autres choses. Et par exemple, si vous regardez Tesla, c'est quoi? Ce sont des voitures autonomes. Et des voitures autonomes, ça exige quoi? Ça exige du temps réel en permanence. Donc ça exige une couverture permanente. Et alors, il n'a pas évidemment l'objectif de déployer cette constellation simplement pour guider des voitures, ouais. Mais ça rentre dans son état d'esprit, dans sa manière de voir le futur de notre société. Et quelque part, Elon Musk en fait considère que et ça va de pair avec la réutilisation des lanceurs, par exemple, ce fait d'industrialiser l'accès à l'espace et d'industrialiser, je dirais, l'utilisation de la ressource spatiale via les orbites et via les satellites, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et donc, on peut se demander, c'est sur différents plans d'orbite. Je pense qu'on y reviendra, avec des choses plus rapides, d'autres qui couvrent plus large en étant plus haut. Donc tout ça est pensé comme une infrastructure gigantesque, en fait. Fabrice Mottez, excusez-moi. Ce qui est frappant, quand on cherche des informations sur ce projet, c'est que on commence par aller sur le site web de Starlink, et là, on a quelque chose de très beau qui est publicitaire. Il n'y a même pas une page de texte, il y a très peu d'informations. Par exemple, le nombre de satellites n'est pas dit. Les orbites, on voit qu'il y a des altitudes qui sont indiquées, mais sans aucune explication. Et en plus, ce site est seulement en anglais. Donc, c'est assez curieux. C'est un homme qui se prétend philanthrope, qui veut arroser le monde et qui parle peu. Et le peu qu'il dit, c'est en anglais. Et toutes les informations qu'on obtient, c'est via les demandes qu'ils font aux autorités de régulation, des télécoms, etc. Mais sinon, on ne sait rien. Alors des fois, il y a des interviews. Alors on se jette sur les interviews parce qu'on va grappiller quelques informations. Mais on est à la fois dans une optique publicitaire et à la fois dans le secret. Alors il me semble que leur projet est encore en stade d'essai et que peut-être les ingénieurs eux-mêmes ne savent pas très bien où ils vont. Il est possible qu'ils aient demandé de mettre 42 000 satellites dans l'espace pour se préparer. Voilà, et que ce soit pas réellement leur intention. Mais 12 000, ça a l'air quand même de revenir avec insistance. Là, il faut préciser effectivement qu'il y a différents chiffres qui circulent. 12 000 étant le chiffre, pour le moment, qui est le plus établi. Et effectivement, la directrice, je crois, de Starlink a fait une demande dans le sens d'un ajout de 30 000 supplémentaires, mais sans qu'on précise bien ni à quel moment, ni à quelle échéance. Oui, c'est ça. Parce que c'est encore un peu trouble. On est vraiment là dans la réservation, en fait. C'est-à-dire qu'on se réserve la possibilité de le faire, notamment auprès d'organismes, alors des autorités de régulation nationale, donc la FCC dans le cas américain, mais aussi l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui est l'organisme mondial qui réglemente en fait le partage des fréquences et le partage, y compris des positions orbitales. Donc c'est très important pour toutes les entreprises qui veulent faire des télécommunications que d'annoncer au préalable quels sont leurs projets de manière à ce que ça se prépare finalement. Il faut préciser que jusqu'à présent, la FCC, donc comme vous le disiez, qui s'occupe des télécommunications américaines, et l'UIT ont accepté le déploiement, en tout cas les projets de SpaceX jusqu'à présent. Alors peut-être que les choses vont bouger après, mais on parlera dans quelques instants dans cette émission des questions de recours justement contre ce déploiement. Fabrice Mottet, expliquez-nous un peu, parce que vous avez justement voulu enquêter sur cette constellation Starlink et sur ce que cela allait changer, l'implication du déploiement de cette constellation. Orbite basse, Xavier Pascaux nous a déjà expliqué pourquoi le choix de cette orbite basse, mais il faut peut-être rappeler aux auditeurs que l'orbite basse aujourd'hui, c'est deux tiers des satellites déployés. Il va y avoir non seulement une question, on va parler de pollution lumineuse dans le ciel, mais il va y avoir aussi une question d'embouteillage, ou est-ce que ça c'est un fantasme, c'est une vue de l'esprit? Je pense que ça n'est pas un fantasme. Et dans le projet Starlink, il est prévu d'ailleurs des dispositifs anti-collision. Ça veut dire que les satellites de Starlink d'après ce qui est dit sur le site web, hein, j'ai pas été vérifié, sont en lien avec le département de la défense américaine qui surveille tous les petits objets qui sont en orbite et prévient les satellites. Et les satellites auront un moteur à plasma, un petit truc super nouveau, tout neuf, high-tech, qui permettra de modifier l'orbite pour éviter des collisions. Bon, sur le papier, ça a l'air génial. Dans les faits, il y a déjà eu une trajectoire de collision. Avec l'ESA. Hein, avec un satellite de l'ESA. C'était l'année dernière. Et, alors certes, c'était un satellite, un prototype. Mais en fait, Starlink. Le prototype de Starlink, hein, pas de l'ESA. L'ESA, c'était un satellite tout à fait ancien. Oui. Et Starlink a reçu une notification de l'ESA et ils n'y ont pas répondu. Ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, moi, ça, c'est une chose qui me préoccupe, c'est. Bon, sur le papier, ça a l'air vraiment très bien, ils ont l'air d'avoir pensé à tout. Je sais que les systèmes complexes, on ne les maîtrise pas. Même sur le plan des algorithmes mathématiques, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est bien connu des logiciens, etc. Et je me demande si un jour, avec les pannes qu'il y aura, une société privée, même de cette envergure, sera capable de gérer des pannes qui pourront affecter des centaines de satellites simultanément. Xavier Pascaud. Oui, c'est le risque. Plus on multiplie le nombre de satellites en orbite, plus on multiplie le nombre de pannes. Et si on multiplie le nombre de pannes, on multiplie le nombre de débris potentiels, puisqu'on ne les contrôle plus. Et à ce moment-là, tout le monde craint l'effet de cascade, en fait, et l'effet de catastrophe en série. Déjà aujourd'hui, avec les débris qui existent, et ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, du nom de la personne qui a étudié ça, eh bien on se rend compte que les débris se heurtent entre eux et génèrent de nouveaux petits débris. Mais il ne faudrait pas que les satellites qui peuvent tomber en panne, ça arrive, surtout quand ils sont en très très grand nombre, statistiquement, eh bien, deviennent eux-mêmes des débris qui soient eux-mêmes sujets à des collisions et on pourrait avoir des effets. Alors ça, c'est très embêtant. Il y a certaines orbites, par exemple, aujourd'hui, qui sont... Évidemment, les orbites les plus utilisées sont les plus sujettes aux débris, par définition. Il y a des orbites qui ne sont pas du tout utilisées, il n'y a pas de débris. Et par exemple, une orbite à 800 km, qui est très utile, très stable pour l'observation de la Terre, par exemple, est une orbite qui est aujourd'hui assez encombrée et qui doit faire l'objet d'une attention particulière. Aujourd'hui, les agences spatiales, beaucoup plus qu'avant, passent du temps à manœuvrer leurs satellites pour éviter... Alors, sachant qu'en plus, on n'est jamais certain qu'une collision va se produire. Par exemple, il y a quelques jours, deux satellites sont passés très près l'un de l'autre, très très près, à quelques dizaines de mètres, semble-t-il. Ça a créé un certain émoi dans la communauté, parce qu'on se rend compte qu'au plan international, il va quand même falloir qu'on s'entende. Et là, on n'en est pas aux 12 000 satellites en orbite. Hein. On est encore à quelques milliers, mais loin de là. Donc, ça va être vraiment un souci qui vient s'ajouter au souci qui est... existe déjà, qui est celui des débris dans l'espace. Et je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée justement aux débris cosmiques. Il faut peut-être préciser, alors sans vouloir amoindrir l'importance que effectivement l'envoi de 12 000 voire plus satellites sur cette orbite basse va générer, en tout cas les problèmes que cela peut générer, que néanmoins on est sur une orbite qui est quand même très très vaste, c'est-à-dire entre 500 et 1200 km, et que ce sont des objets relativement petits. On a souvent l'image de la Terre entourée d'une nuée de débris, mais si on remet tout ça à l'échelle, on n'est pas encore sur le périphérique sud de Paris aux heures de pointe tout de même, Fabrice Mottez. Pour le moment, non, on est au bord d'une route de campagne, on va dire, ou d'une départementale. Le périphérique sud nous attend peut-être. Moi, je pense que c'est ça le problème. Alors, on a essayé de faire des petits calculs. Alors, comme Starlink est très vague sur ses intentions en termes de nombre, on est toujours un peu gêné. On ne sait pas sur quelle orbite il faut les mettre pour les calculs, etc. Pour le moment, il parle de 12 000 à 550 km. Alors, on a fait des essais et on s'est rendu compte que d'un endroit sur Terre quelconque, on verrait plusieurs centaines de satellites sur la voûte étoilée. On les verrait... Alors, les gens disent, oui, on les verra, mais pas au milieu de la nuit, parce qu'il y a une sorte de crépuscule. Alors, les gens disent, quand le soleil sera à 18 degrés sous l'horizon, on les verra plus. C'est pas vrai. On les verra plus juste au-dessus de nos têtes. Mais pour ne plus les voir jusqu'à l'horizon, il faudra que le soleil soit à peu près à moins 44 degrés. Ça, c'est une situation, par exemple, qui n'arrive pas dans le nord de la France en été. Le soleil descend jamais si bas. Donc, on aura peut-être cette impression d'être au bord du périphérique. Plusieurs centaines de petits points qui se baladent, dont plusieurs dizaines seront assez brillants. Oui, ça va faire une drôle d'impression, ne serait-ce que pour la simple contemplation poétique du ciel, les vacances, les souvenirs, les... Voilà. On va revenir sur la pollution lumineuse dans un instant et on va voir concrètement par ailleurs ce que ça peut produire pour les astronomes, les personnes qui observent le ciel. J'aimerais qu'on dise peut-être un dernier mot parce que on a beaucoup parlé de Starlink, mais c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, Xavier Pascaux, qu'il s'agissait pas de nanosatellites, de CubeSat, mais de satellites de belle envergure. Hein. C'est quoi exactement en fait comment, à quoi ils ressemblent? Ce sont des satellites d'à peu près 225 kilos, je crois. Donc ce sont des satellites qui ont une belle taille, hein. C'est une machine à laver. Enfin, un petit peu plus petit qu'une machine à laver, c'est un peu plat. Mais ce ne sont pas des CubeSat, effectivement. Les CubeSat, aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est qu'un CubeSat? C'est un standard étudiant, hein, de satellites étudiants expérimentaux. C'est 10 cm par 10 cm par 10 cm, d'où la notion de cube. Et par exemple, une société qui s'appelle Planet, aujourd'hui, qui a à peu près 150 de ces CubeSat en orbite, alors là, pour prendre des photographies de la Terre, eh bien, utilise des satellites, donc 3 CubeSat à coller les uns aux autres. Hein, donc ça fait 10 cm par 10 cm par 30 cm, une boîte à chaussures. En gros. On n'est pas du tout dans cet ordre-là. Starlink, c'est beaucoup plus gros que ça, de la même façon que OneWeb par exemple, qui est la constellation un peu concurrente, alors avec beaucoup moins de satellites, mais qui va commencer à mettre en orbite d'ailleurs avec des fusées européennes à se mettre en orbite cette année. Et bien c'est pareil, ce sont des satellites, alors peut-être un petit peu moins lourds, mais ce sont des satellites qui ne sont pas des CubeSat. Donc il faut de la puissance quand même, il faut générer de l'énergie pour les télécommunications, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même des satellites qui sont, ça a été dit, propulsés, donc qui pourront quand même bouger. Enfin, avec un petit moteur, mais tout ça est très expérimental. OneWeb prévoit, semble-t-il, des systèmes de retrait de satellites quand ils sont en panne pour les faire brûler et pour les remplacer, etc. Donc tout ça, ce sont des architectures complexes. Fabrice Mottet, sur la nature de ces satellites, effectivement, qui sont relativement gros. Puis il y a aussi quelque chose dont on peut commencer à parler, c'est que ces satellites-là, ils ont besoin d'être blancs pour justement renvoyer, pour que l'intérieur des machines, des ordinateurs qui se trouvent à l'intérieur, ne surchauffe pas, tout simplement. Oui, alors du coup, le fait d'être blanc, ça les rend brillants, donc gênants, pour cette contemplation du ciel dont je parlais. La patronne de Starlink, Gwyn Shotwell, a dit qu'il n'avait pas pensé à ce problème et que les astronomes non plus n'y avaient pas pensé. En fait, tout à l'heure, je ne savais pas la date de départ du projet parce que moi, je l'ai découvert il y a quelques mois. En fait, on ne le connaissait pas, ce n'était pas connu du grand public. Et là, au niveau de ce genre de projet, on est le grand public. Oui, alors donc, elle a dit qu'on va les recouvrir d'une couche sombre qui les rendra moins brillants, au moins sur le côté vers la Terre. Mais le côté vers la Terre, il lui arrive d'être éclairé. Donc on ne peut pas le mettre trop sombre, parce que sinon il va faire trop chaud dans le satellite et l'électronique tombera en panne. Alors, ils ont fait un satellite qui s'appelle 1130, et qui est recouvert de ça. Ça s'appelle Darklink ou DarkSat. Ouais, oui, ça c'est son petit surnom. Son nom de code, c'est 1130. Et des collègues l'ont observé, et il est 2 à 3 fois moins brillant. Le problème, c'est que pour cesser d'être visible à l'œil nu, il faudrait être à peu près 50 fois moins brillant. Donc on est loin du compte. Pour le moment, il est remarquable. Donc si c'est ça la solution, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est un seul aspect du problème, c'est l'aspect la visibilité à l'œil nu. Admettons qu'ils réussissent à résoudre ce problème. Quand on prend des photos du ciel, qu'on soit un astronome amateur, même quelqu'un qui prend la Voie lactée pendant ses vacances, il les verra. Parce que quand on fait une pause avec un appareil photo, les objets invisibles à l'œil nu apparaissent très vite, en quelques secondes de pause. Et alors pour les astronomes professionnels, où on descend à des luminosités incroyablement basse, là c'est des flashs électriques qui traverseront les télescopes. Alors on sait que ça n'abîmera pas les capteurs, mais par contre les photos sur lesquelles ils seront pas exploitables ou difficilement exploitables. Donc on va être amené à rejeter beaucoup d'images. Alors actuellement c'est déjà ce qu'on fait puisqu'il y a déjà des satellites. Donc on prend des dizaines, des centaines d'images du ciel qu'ensuite on traite, on ajoute, etc. et on trie. Et on retire celles où il y a un satellite, un avion, etc. Là, il y aura tellement de satellites qu'on risque, sur certains télescopes qui observent de grandes portions du ciel, on sera peut-être obligé de retirer quasiment tout. Eh ben, c'est ce qu'on entendra dans quelques minutes via le reportage du jour à l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. On va parler évidemment bien des implications que ça a pour nous, les amateurs du ciel nocturne, mais également évidemment pour toute la communauté des astronomes et des astrophysiciens. Vous allez voir qu'effectivement ça pose un certain nombre de problèmes, mais on va aussi examiner quelles sont les solutions. Il y en a peut-être techniques, peut-être des solutions également bien plutôt administratives pour essayer de faire en sorte que cette constellation se déploie ou ne se déploie pas. On en parle dans un instant. End of the night, la fin de la nuit par The Doors, c'est évidemment ce que nous ne souhaitons pas, mais c'est une des éventualités suite au déploiement de la constellation Starlink qui est le sujet de notre émission du jour. 12 000, peut-être même 40 000 satellites en orbite basse, voulu par SpaceX et son patron Elon Musk pour couvrir toute la planète et offrir un internet rapide et à bas coût à l'ensemble de la population mondiale. Nous en parlons avec Fabrice Mottez, qui est astrophysicien au CNRS, au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire Paris-Meudon et rédacteur en chef du magazine L'Astronomie, et avec Xavier Pascaud, qui est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Eh bien, alors, pour comprendre exactement l'implication et les conséquences du déploiement de cette constellation sur le travail des astronomes et des astrophysiciens, eh bien, nous sommes allés voir exactement ce qui se passe quand on regarde dans les lunettes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. Oui, pour retrouver Pascal Descamps qui est spécialiste du système solaire. Alors pour lui qui étudie les petits corps comme les astéroïdes, ce projet va sérieusement gâcher une très grande quantité d'images réalisées en optique. En cause donc les panneaux solaires des microsatellites qui réfléchissent la lumière du soleil vers la Terre, ce qui génère un éblouissement et sur les images provoque des traces qui brouillent les observations. Les chercheurs alors essayent tant bien que mal de s'adapter et sont en ce moment en train de développer des méthodes de correction pour sauver les mesures faites par les télescopes au sol. Les inquiétudes, elles existent chez les astronomes selon un petit peu le type d'observation que l'on peut faire. À la fois, donc, il y a des astronomes, on va dire, optiques, qui utilise des télescopes optiques avec des miroirs, et puis les radioastronomes, donc tout ce qui concerne la radioastronomie, puisque ce sont des satellites de télécommunication, donc des problèmes d'interférence au niveau de certaines gammes de longueur d'onde radio. Vous, quelles sont vos activités, vos modes d'observation au sol, en optique, et quelles en seront, selon vous, les altérations possibles ? Alors, moi, je suis plus un astronome optique. Donc, ils utilisent des télescopes dans des longueurs d'onde optiques, du visible ou voire de l'infrarouge proche, mais en général du visible, pour observer essentiellement, donc en ce qui me concerne, les petits corps du système solaire. Donc les planétésimaux, les astéroïdes. Voilà, surtout les astéroïdes. Donc l'inquiétude, on a déjà, bon, il y a à peu près déjà 20 000 objets qui sont en orbite autour, et il n'est pas rare lorsque l'on fait des images, bon, c'est des tout petits champs, d'avoir une petite traînée lumineuse dessus. Ça arrive de temps en temps. C'est des choses qu'on peut corriger, ce genre de traces de bruit ? Alors, quand on a ces petites traînées, oui, en général, bon, si c'est sur une image, je dirais, ça peut foutre l'image en l'air. Si par exemple, l'objet qui est suivi, l'astéroïde, bien, effectivement, la traînée passe par l'astéroïde, on ne peut rien faire. Donc, l'image, bon, elle est perdue. Ça va dépendre aussi de la période à laquelle on observe, parce qu'en fait, bon, ces satellites vont être inquiétants de quelle manière, en tout cas dans le domaine optique, c'est uniquement par l'éclat, leur brillance. C'est les panneaux solaires qui reflètent la lumière du soleil, donc on peut imaginer qu'il y ait deux moments clés dans la journée qui puissent être perturbants, voilà. Le matin et le soir. Voilà, c'est effectivement, quand on fait ces observations, donc les époques où ces satellites seront gênants pour l'observation, c'est quand ils seront éclairés par le soleil et qu'ils réfléchiront cette lumière du soleil en direction de la Terre. Et donc ça se passe soit au crépuscule, soit à l'aube. Donc c'est quelques heures autour du coucher ou du lever du soleil où on va avoir, ça c'est maintenant sûr, hein, on va avoir une perturbation inévitable avec des pertes de temps d'observation. Sur des petits champs, bon, on peut avoir une traînée de temps en temps, mais là, ça sera, chaque image sera impactée. Il y aura une pollution liée au passage d'un satellite. Est-ce qu'il existe des programmes qui permettent de corriger ce genre de perturbations lumineuses ? Ou est-ce qu'il y aura des moyens de pouvoir anticiper et de réduire le temps d'observation dans ces moments-là ? Si vraiment ça s'avère avec une pollution d'image systématique, surtout auprès des levers et couchers du soleil, il va falloir développer des outils qui vont traiter automatiquement. Avec derrière, donc, tout un processus automatique de ce qu'on appelle la réduction, c'est-à-dire on prend les images et il y a des programmes qui traitent automatiquement tout ce qui se passe. Et qui va détecter, par exemple, l'un des principaux objectifs en ce qui me concerne, c'est de détecter, par exemple, les géocroiseurs, tous les petits astéroïdes. Et on les détecte comment ? Eh bien, justement, par l'identification d'une petite traînée lumineuse. En général, ce sont des objets qui vont passer près de la Terre. Donc quand on va faire des temps de pause, je ne sais pas, de quelques secondes, ils vont laisser, leur déplacement est suffisamment rapide pour qu'ils laissent une petite traînée. Donc là, tout ça, ça se gérait automatiquement. Donc il va falloir maintenant faire des programmes qui vont non seulement détecter ou faire la différence entre ces objets. D'une part, on aura des astéroïdes qui laissent des petites traînées lumineuses, et d'autre part, on aura des satellites qui laissent également des traînées lumineuses, voire plus brillantes, avec risque de saturation donc des détecteurs. Donc ça va inévitablement perturber le travail. Je dis pas que c'est incontournable, mais de toute façon, il faudra effectivement prendre ça en compte. Alors, la société, là, SpaceX, qui met en œuvre Starlink, dit bon qu'elle va communiquer sur les trajectoires, etc., pour que les astronomes planifient, en fait, s'adaptent. Les astronomes doivent s'adapter à ce que SpaceX veut faire en fonction du passage. Mais parfois, c'est pas le cas. Parce que parfois aussi en astronomie, on observe ce qu'on appelle des phénomènes. Des occultations, des éclipses, des rapprochements entre différents astres. Voilà, exactement. Là. C'est-à-dire qu'on a des occultations. Classiquement, par exemple, l'un des phénomènes que moi j'observe aussi en particulier, c'est le passage d'un astéroïde devant une étoile. Et si on observe ça à différents endroits sur Terre, on peut reconstituer en ombre chinoise le profil de l'objet, sa taille, etc. Donc ça pourra venir se perturber ce type de phénomène. D'autant plus qu'on pourra aussi avoir donc ces satellites qui passeront devant les objets qui seront d'intérêt. Je ne sais pas si c'est dramatique, mais en tout cas, il va falloir que la communauté astronomique s'adapte à cette situation. Et puis je pense aussi qu'il y a déjà des réactions qui se développent pour que quand même il y ait une sorte de réglementation. Il n'y a pas de réglementation internationale à ce niveau-là encore. Dans le domaine optique, non. Dans le domaine radio, il existe effectivement une réglementation. Après, il existe la communauté astronomique. Elle a aussi ses règles internes qui sont définies par elle-même tous les 4 ans au sein de ce qu'on appelle l'Union astronomique internationale. Est-ce que les gouvernements seront sensibles à ça? Maintenant, après, c'est les politiques qui décident. Donc ça va, on verra ce qui va se passer cette année, en 2020. Voilà le regard d'un astronome sur la façon dont Starlink, qui n'en est qu'au début de son déploiement, un peu bien perturbé et parasité son travail. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Fabrice Mottez? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est une description très claire du problème. Mon collègue n'a pas parlé de la radioastronomie parce que c'est pas son domaine, mais il y a aussi des choses à dire. Alors, je vous en prie, parce que justement, c'est ce que je voulais aborder dans les points suivants. Alors, déjà, il faut savoir que le ciel en radio est déjà très pollué. Les radioastronomes sont des champions du tri des données pour extraire les données d'origine humaine, industrielle, militaire, des données scientifiques. Donc ils ont déjà poussé la chose assez loin, c'est des techniques différentes de l'optique. Et ils doivent rejeter énormément d'observations. Alors, quand on met un observatoire, à quelques exceptions près, ce sont des observatoires qu'on met dans des lieux isolés, justement pour être loin des émetteurs de télé, des émetteurs de téléphone, etc. Même en France, la station de Nancy est dans une sorte de réserve où on n'allume pas les téléphones portables, les ordinateurs sont dans des cages en grillage pour pas que les ondes des ordinateurs sortent, etc. Et là, c'est comme s'il y avait le Wi-Fi qui tombait du ciel partout. Et donc toutes ces zones sanctuarisées, en fait, pour la radioastronomie, risquent de ne plus exister. Il y a déjà eu des constatations dans ce sens-là sur des radiotélescopes. Actuellement, avec les 240 satellites qui sont en orbite, je ne sais pas. J'ai pas demandé. Je me suis plutôt intéressé à ce qui se passait du côté optique. Mais si on arrive à 10 000, ça va être une évidence. Parce que de toute façon, il y a encore peu de régions couvertes. Mais quand le monde entier sera couvert, tous les radio-observatoires seront couverts aussi. Il y a eu des discussions avec la NRAO, qui est l'organisme américain de radioastronomie, avec Starlink, pour essayer de voir s'il pourrait y avoir des zones de protection au-dessus des projets américains. Et aussi de SCA, qui est un grand projet mondial où les Américains sont partie prenante. Mais c'est américain. Et il y a des observatoires comme ça au Japon. Il y a ALMA aussi, un grand observatoire qui pourrait être impacté. Là, je ne sais pas où ça en est. C'est problématique. Alors après, il y a certaines fréquences. Les radiotélescopes sont spécialisés dans certaines fréquences. Certaines ne sont pas du tout impactées par Starlink. Par exemple, ce qu'il y a à Nancy ne devrait pas être impacté. Parce que les fréquences auxquelles émettent les modules de Starlink, ce sont les fréquences Q et K qui sont entre 20 et 30 GHz et entre 11 et 14 GHz pour les radiotélescopes, c'est quoi? Alors les radiotélescopes, les astronomes sont intéressés par toutes les fréquences parce que l'univers émet à toutes les fréquences, mais il y a quand même des fréquences privilégiées. Par exemple, il y en a qui sont émises par des nuages d'hydrogène assez froids vers 1,4 GHz qui sont pour le moment préservés et qui ne sont pas du tout menacés par Starlink. En revanche, pour les fréquences élevées, alors le haut des fréquences qui sera étudié par SCA et le bas des fréquences qui sont étudiées par les télescopes ALMA vont être impactés. C'est embêtant. Xavier Basco, sur le reportage en règle générale. Oui, mais la personne indiquait à juste titre que en 2020, c'était désormais dans les mains des politiques. Mais j'ai bien peur que, en fait, si ce problème peut être résolu, ça ne sera qu'à l'échelle, qu'à un horizon assez lointain. Parce qu'en fait, Starlink, finalement, ça met en évidence un problème plus fondamental qui fait déjà débat depuis quelques années, qui est le problème du partage de l'espace orbital et de son utilisation. Aujourd'hui, d'aucuns disent, finalement, une société privée qui, avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de satellites, va s'arroger le droit de d'utiliser l'espace, va monopoliser cet espace finalement. Et c'est un peu ce qui est gênant dans ce projet, c'est qu'on a le sentiment que on y va un peu à marche forcée finalement. On parle de donc 60 satellites qui ont été lancés à une fréquence de 15 jours ou 3 semaines, et que bien le temps que le politique s'accorde, c'est du droit international, c'est très lent. Aujourd'hui, on n'a pas de réglementation qui concerne l'utilisation en commun de l'espace, si ce n'est un traité de 1967 qui interdit seulement de mettre des armes de destruction massive en orbite. Faut être clair, c'est quelque chose d'extrêmement réduit en termes de réglementation. Tout le monde discute aujourd'hui, tous les États sont plus ou moins d'accord pour dire il faudrait quand même, au vu des nouvelles technologies, qu'on s'accorde sur de nouvelles règles. Mais alors là, on rentre dans des discussions politiques, et bien Elon Musk sait très bien que, à la limite, ces quelques milliers de satellites seront dans l'espace bien avant que les discussions aboutissent. L'un des enjeux, et qui est aussi l'un des problèmes que vous pointez, Xavier Basco, c'est qu'on est face à un acteur qui maîtrise l'intégralité de la chaîne. Absolument. Puisque SpaceX a ses lanceurs, il peut faire ce qu'il veut, et puis qui pourrait l'empêcher finalement aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, personne, dans la mesure où son autorité administrative nationale lui donne le droit de le faire. Hein, donc la FCC, il a rempli la FCC, absolument. Alors l'UIT au plan international, effectivement, reconnaît, enfin ne peut qu'acter le fait qu'il fait ses réservations de fréquences, etc. La FCC considère que c'est un projet... Alors, vous avez mentionné tout à l'heure un collectif d'astronomes qui souhaite poursuivre pour, je dirais, atteinte à l'environnement. Alors c'est le cas un peu aux États-Unis. On commence à voir des interrogations sur le droit ou non qu'avait la FCC d'accorder son accord, enfin de donner son accord à ce projet, parce qu'il y a une législation sur la protection de l'environnement qui n'aurait pas été activée. Alors la FCC se défend en disant que personne n'avait posé la question, et donc alors aujourd'hui c'est plutôt l'objet d'une discussion académique. On n'est pas vraiment dans la poursuite et dans la constitution d'une classe action, on va dire, mais on voit ça arriver. C'est intéressant quand même à ce titre que eh bien tous ces projets de méga-constellations, ce qu'on appelle les méga-constellations, pourraient quand même devenir un sujet de débat, aussi bien national qu'international, non pas éventuellement pour les interdire, mais peut-être pour les limiter, pour les règlements. On voit bien que ça va quand même poser un certain nombre de problèmes. Parce que par rapport à ce que vous mentionnez, ce qui a été évoqué dans le journal des sciences de Natacha Triou, c'est effectivement d'avoir recours à la Cour internationale de justice pour empêcher la poursuite du déploiement. La Cour internationale de justice n'est pas reconnue par les États-Unis. On pense qu'à l'échelle géopolitique, ça n'aurait pas beaucoup... Ça n'aurait pas beaucoup d'impact. En revanche, si le cas aux États-Unis est constitué, qui dit que finalement la FCC n'a pas totalement bien mené sa procédure, alors là, pour le coup, ça pourrait avoir un impact. Et pour l'instant, à nouveau, c'est plus, je dirais, une réflexion d'experts juristes qu'une véritable... Mais on voit ça arriver. Je pense en même temps qu'Elon Musk, lui, de toute façon, à marche forcée, est en train, de toute façon, de mettre les satellites en orbite qui vont y être. Donc on aura une sorte de fait accompli auquel il va falloir s'adapter. Fabrice Mottez. Il y a peut-être une loi qui peut faire tomber le projet, c'est les lois du marché. Est-ce que son projet sera viable économiquement ? À vrai dire, c'est pas évident. Il y aura la concurrence de la 5G dans les zones très peuplées, là où il y a beaucoup de clients. C'est possible que, tout simplement, ils fassent faillite. Bon, on a évoqué, on pourrait évoquer les problèmes que causerait une telle faillite, mais... On va les évoquer, parce que ce ne serait pas mais ça anodin. Mais ça pourrait être une fin de ce projet, ou de ce genre de projet démesuré. Je voudrais dire aussi que dans cette... essor de l'espace privé, il commence à y avoir des idées baroques qui apparaissent. Par exemple, un publicitaire russe qui a mis des universitaires russes aussi au travail pour faire un écran publicitaire avec des nanosatellites qui voleraient en formation groupée, et qui ferait un petit écran de 200 pixels qui permettrait d'afficher des logos d'entreprise. Alors sur leur site web, on voit des logos qui évoquent des marques très connues de restauration rapide, de télévision, etc. Pourquoi pas aussi des choses lors de manifestations religieuses ou politiques, des slogans. Voilà, ce serait, d'après leurs études, 200 000 dollars les 8 heures. Donc par rapport à une campagne de télévision, c'est... Ça va. Et ça amène à des réflexions, parce que alors là, le service rendu à l'humanité est nul. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi agir sur le plan symbolique et faire du ciel un élément du patrimoine de l'humanité. Alors, il faut savoir que l'UNESCO a une liste de de sites mm-hmm. qui sont classés au patrimoine de l'humanité. Et certains le sont à titre historique ou architectural, d'autres au titre de... patrimoine intangible. Patrimoine naturel. Mm. Et le ciel pourrait y être. Pour le moment, il y a des observatoires, il y a des sites, mais il n'y a pas le ciel dans son ensemble. Xavier Pascaux, qu'est-ce qui se passe si SpaceX fait faillite ? Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de responsabilité, c'est-à-dire une fois les satellites mis en orbite ? Bien, en fait, il faut se rappeler que l'espace, ça reste encore l'objet de droit international, de traités. Et aujourd'hui, dans les textes qui existent, il faut se rappeler que la responsabilité des satellites incombe en définitive à ce qu'on appelle l'état de lancement. C'est-à-dire l'état à partir du territoire duquel les objets étaient lancés. Donc les États-Unis seraient responsables dans tous les cas de figure de tous les préjudices qui pourraient être liés alors à une faillite qui amènerait peut-être une désorganisation de la constellation par exemple. Donc ça, là on est dans un cadre assez classique et ce qu'on a vu se passer récemment depuis une dizaine d'années à peu près, ce sont les grands États se sont tous dotés de lois nationales qui permettent en fait en constatant l'essor du secteur privé qui permet à l'acteur public responsable sur la scène internationale de se retourner en termes de responsabilité vers l'acteur privé et donc il y a aujourd'hui des, par exemple en France c'est ce qu'on appelle la loi sur les opérations spatiales. Le metteur en œuvre de cette loi, c'est le CNES, donc l'Agence spatiale française, qui fait office pour l'État eh bien, d'organismes de réglementation et je dirais même d'incitation des acteurs privés à suivre la loi nationale. Donc il y a des aspects de responsabilité, mais au regard du droit international, c'est l'État de lancement qui est responsable des satellites et des préjudices qui peuvent en découler. Pour conclure, on parle de Starlink et de SpaceX depuis tout à l'heure, mais vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Xavier Pascaux, ce ne sont pas les seuls. OneWeb, qui a aussi l'ambition de déployer une constellation, alors beaucoup moindre, hein, de 600-650 satellites, mais OneWeb, puis Amazon, Facebook, Telsat, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent s'emparer, ne pas laisser SpaceX seul sur ce projet. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier encore le nombre de satellites qui vont apparaître. Oui, sans doute. Alors SpaceX, ça reste quand même un cas un peu singulier parce que les 12 000, voire les 42 000, là on est dans des ordres de grandeur un peu différents. Mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de constellations. Le chiffre moyen, c'est 1500 à 3000 satellites. Amazon, par exemple, c'est un peu plus de 3000, 3400 satellites. En fait, finalement, ces projets, ils sont liés à quoi ? Ils sont liés au fait qu'il y a maintenant une industrie de l'Internet, une industrie de l'information qui pense... et on parlait de modèles d'affaires tout à l'heure, de business model, qui pensent qu'ils vont réussir à gagner, cette fois-ci, ils vont réussir à gagner de l'argent avec ça. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est ça qui stimule un peu cette espèce de frénésie de projet, il faut bien le dire, avec aussi, et ça c'est la deuxième nouveauté, des acteurs qui sont capables d'investir upfront, comme disent les Américains, massivement de l'argent pour développer sur leurs fonds propres. Amazon aujourd'hui, par exemple, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, tous les ans, consacre $1 milliard de sa fortune pour l'investir dans sa société de lancement, Blue Origin, par exemple. Ça, c'est tout à fait nouveau. On ne voyait pas ça. Donc, ça crée une espèce d'effet d'entraînement qui a pris par surprise, finalement, les juristes, les textes de loi, et qui a pris par surprise le droit international. On ne s'était jamais imaginé que ça irait si vite. Et là, on est dans des questions de rythme, hein, de tempo, qui font que les systèmes s'installent. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de Starlink et on va suivre évidemment avec attention l'évolution non seulement des lancements mais peut-être également de la législation autour de ces constellations de satellites. Merci Fabrice Mottet, je rappelle qu'on peut vous lire dans l'Astronomie, le magazine dont vous êtes rédacteur en chef. Merci beaucoup Xavier Pascaux, on peut vous lire dans le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space, c'est chez CNRS Éditions. Si vous voulez rester un peu dans l'espace, continuez à écouter France Culture, notamment eh bien ce soir à partir... Jean Audouze, pardon, je vais y arriver décidément, le documentaire qui sera diffusé dans la soirée dont on va vous mettre le lien, qui a été réalisé par notre collaboratrice Céline Lausanne. Et puis si vous voulez continuer à vivre un peu sur la lancée du festival Gérard May où nous étions en direct le vendredi dernier, eh bien la table ronde avec des grands noms du cinéma que j'ai pu avoir la chance d'animer a été mise en ligne sur une page de France Culture dont nous allons également vous mettre le lien avec du beau linge, hein, puisqu'il y avait Christophe Gans, Olivia Sayas, Agnès Merlet, Yann Kounen, Alexandre Aja et Jean-François Roger pour parler de l'imaginaire fantastique français. Voilà, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Adèle Caglar à la technique. Demain, il sera question de virus, mais de virus dernier cri, vers chevaux de Troie, toutes ces petites bêtes high-tech qui entrent dans vos ordinateurs, dans vos téléphones et qui n'ont pas pas encore été détectés par vos logiciels de protection. On fait le point sur tout ce qui grouille numériquement demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.